supérieur parallèle au monde de l'esprit pendant qu'il est dans la matière. Et ce sont ces hommes qui pourront vivre ce parallélisme. Qui pourront reconnaître qu'ils sont effectivement en voie d'évolution vers la conscience supramentale. Qui pourront reconnaître qu'il n'y a plus de fin dans la conscience supramentale. Qui pourront reconnaître qu'il n'y a plus de limite à leur esprit et qui seront automatiquement prêts lorsque vient le temps au dédoublement. Parce que être prêt au dédoublement, ce n'est pas l'affaire de l'ego. Être prêt au dédoublement, c'est une condition vibratoire de l'homme qui lui permet de se dédoubler. C'est pas comme le déplacement dans l'astral. Le déplacement dans l'astral est assujetti à l'ego. Il fait partie de l'effort spirituel de l'ego. Mais le dédoublement dans l'éther ne fait pas partie des efforts de l'ego. C'est simplement après le dédoublement dans l'éther que l'ego peut se dédoubler à volonté. Mais le mouvement original du dédoublement de l'ego se fait à l'insu de l'ego. Et ça va prendre encore quelques années pour que les gens puissent volontairement se dédoubler, parce qu'aussitôt que l'homme se dédouble, il devient un scientiste. Alors, c'est automatiquement à cause de ce fait-là que l'homme devient un scientiste, parce qu'il a accès à énormément d'informations, que l'homme ne peut pas se dédoubler à volonté dans l'éther. Alors, l'homme se dédoublera au début à son insu, reconnaîtra le dédoublement, et lorsque l'homme commencera à reconnaître le dédoublement, c'est parce qu'il sentira et qu'il saura que les temps sont prêts, que le travail sur ses principes a été fait, que la densité de ses corps a atteint le niveau qu'elle doit atteindre. Mais ce n'est pas de l'ego que l'homme se dédoublera au début, il se dédoublera à son insu. Alors, ce que l'homme a besoin de connaître, ce sont les principes qui déterminent sa relation avec les autres égaux. Ce qu'il a besoin de connaître, c'est les lois de l'esprit qui empêchent le dédoublement à cause du fait que ses réactions émotives et mentales inférieures empêchent le principe ou ses principes d'atteindre un certain niveau de densité. Tout est dans la loi de la densité des corps. La loi de la densité des corps, j'en parlerai éventuellement, c'est une loi qui est extrêmement importante, qui est sans importance aujourd'hui parce qu'on ne voit pas nos corps, on n'a pas accès à nos principes, on ne connaît pas la configuration atomique de nos principes. Mais un jour, ce sera important pour l'homme de connaître les lois de la densité des corps. Et à ce moment-là, l'homme pourra reconnaître jusqu'à quel point le médium de la civilisation dans laquelle il vit conditionne cette densité et jusqu'à quel point les paramètres de sa psychologie de tous les jours, les aspects de sa psychologie de tous les jours, fait interférence avec cette densification de ses corps. C'est pour ça que je cite souvent différents aspects de notre réaction dans notre vie, surtout en relation avec les âmes, des réactions qui souvent sont justifiées sur le plan humain, sur le plan égoïque, mais qui ne sont pas justifiables sur le plan de la densification des corps ou des principes sur le plan de l'intelligence. Alors là où vous découvrez de l'hypocrisie dans la société, automatiquement, vous devez apprendre à voir, mais à ne jamais regarder. Et c'est pas facile. C'est facile quand on voit et qu'on ne regarde plus, mais c'est pas facile quand on est habitué à regarder et qu'on n'a pas encore la capacité de voir. Tout ce qui fâche l'ego dans l'inconscience de l'homme et qui est réalisé au niveau de la voyance de l'intelligence, au niveau de l'esprit de l'intelligence, augmente la densité des principes de l'homme. Alors, chaque fois que vous êtes pris dans une situation humaine où vous souffrez de l'inconscience, si vous ne dépassez pas la subjectivité de votre réaction, automatiquement vous alourdissez votre énergie et vous empêcher que vos principes aient et atteignent la densité dont ils ont besoin pour permettre éventuellement que votre esprit ait un rapport parfait et total avec l'éthérique. Il y a un aspect de les, il y a un aspect des lois de l'esprit que je veux expliquer. L'esprit, c'est une énergie qui conditionne la matière pour favoriser l'expression dans le temps de cette matière de l'intelligence. Autrement dit, l'esprit est dans la matière de l'homme, le corps physique, l'esprit dans le corps vital, l'esprit dans le corps émotionnel, l'esprit dans le corps mental, l'esprit dans le corps supramental. Autrement dit, l'esprit, ce qu'on appelle de l'esprit, c'est une énergie qui fait partie de l'homme, qui n'est pas sous le contrôle de l'homme, mais qui devient éventuellement sous le contrôle de l'homme seulement lorsque l'homme est dans l'esprit de l'intelligence. Et lorsque l'homme est dans l'esprit de l'intelligence, son esprit revient à son contrôle personnel, c'est-à-dire que son esprit devient une énergie qui est gérée par lui-même, c'est-à-dire qui est le produit actif et créatif de la combinaison intégrale de ses principes inférieurs. Autrement dit, on dit à ce moment-là que l'homme est multidimensionnel. Et l'homme doit devenir multidimensionnel. L'homme doit être un être à plusieurs étages où l'esprit convient parfaitement à tous les principes qui constituent son être-té inférieur. C'est pourquoi les réactions naturelles que nous avons dans la société inconsciente sont des réactions normales sur le plan de l'ego, mais ce sont des réactions qui éventuellement doivent être totalement neutralisées par notre intelligence, par l'intelligence, dans l'intelligence, pour ne pas permettre ou donner une chance à l'esprit très inférieur de notre corps astral de bloquer le rapport qui doit exister entre le vital, l'émotionnel, le mental, et ainsi de suite. L'esprit de l'homme, c'est une énergie extrêmement raffinée. L'esprit de l'homme, puis écoutez bien ça, puis je dis ça pour Croteau, parce que c'est intéressant ça. L'esprit de l'homme est plus raffiné que l'âme de l'homme quand l'esprit de l'homme est dans l'intelligence de la lumière. Autrement dit, quand l'homme est dans l'intelligence de la lumière, la densité de son esprit est plus raffinée que la densité de l'âme. Et lorsque l'esprit de l'homme est plus raffiné que l'énergie de l'âme, automatiquement, il se produit un phénomène dans l'homme, un phénomène à la fois électrique et à la fois chimique, mais instantané. C'est que ça permet à cet esprit dans l'homme de faire ce qu'il veut avec ses principes inférieurs. Mais tant que l'homme n'a pas atteint cette densité de son esprit, il est incapable d'avoir un effet sur ses principes inférieurs, c'est pour ça qu'il est prisonnier de la matière. Et automatiquement, il est prisonnier de l'âme. Et automatiquement, sujet aux lois de réincarnation. Et automatiquement, n'a pas accès à l'immortalité. Et automatiquement, n'a pas accès à l'espace de l'esprit qui est le monde où il doit reconnaître, connaître et investiguer l'infinité de l'universel. Alors, les défauts que vous voyez dans l'homme, quels que soient ces défauts, vous devez être capable de les voir et de ne pas les regarder. En termes plus concrets, ça veut dire vous devez être capable, éventuellement, de ne pas voir la petite bête noire, mais de voir la petite bête blanche. Et pour ne pas voir la petite bête noire, ou pas regarder la petite bête noire, il faut voir avec l'intelligence. Tant que vous ne serez pas capable de regarder quelqu'un et ne pas voir la petite bête noire, vous ne serez pas capable, quand je dis voir, je dis regarder, vous ne serez pas capable d'élever le taux vibratoire de votre esprit, c'est-à-dire construire suffisamment le principe supramental, qui est le principe qui donnera éventuellement au principe inférieur leur tonalité pour le dédoublement. Alors, il ne s'agit pas d'être dupe, Puis il ne s'agit pas de ne pas voir, mais il s'agit de pouvoir ne pas regarder. Autrement dit, ce qui veut dire, occupez-vous-en non pas des petites bébêtes chez l'autre. C'est le fait que l'homme n'est pas capable de faire ça qu'il y a de la division entre les hommes et qu'il n'y a pas de conscience universelle sur la Terre. C'est évident que les hommes sont construits de telle sorte que chacun a son taux de vibration. Mais c'est évident aussi que les hommes, même s'ils ont un taux vibratoire différent, que les hommes sont hiérarchisés vibratoirement, que les hommes ont en eux une même énergie. Et c'est cette énergie-là qu'on doit voir dans les hommes. C'est cette énergie-là qu'on doit s'occuper dans les hommes. Ce n'est pas la déformation de cette énergie-là à cause de leur astralité ou de leur mentalité inférieure. Alors, le phénomène de l'hypocrisie, c'est un bon test pour ça. On a tendance, à cause de notre nature humaine, à concevoir les choses. On a tendance à concevoir notre vie ou notre avenir. On ne peut pas concevoir notre avenir. Et plus on rentre dans la conscience supramentale, moins on peut concevoir notre avenir. Mais on peut le voir. Mais on ne peut pas le concevoir. Il y a une différence entre concevoir et voir. Concevoir, ça veut dire être con. Concevoir. Concevoir. On se voit con. Mais on ne sait pas. Probablement, un des plus grands mystères de la conscience supramentale, c'est qu'on ne peut pas se concevoir. Mais tant qu'on se convoit, tant qu'on se conçoit, on souffre. C'est pour ça qu'on souffre du temps. On se conçoit dans 10 ans, 15 ans, on se projette. Projetez-vous pas, vous allez vous projeter contre un mur. C'est très subtil, la conscience supramentale, et ça n'a jamais été vécu sur la Terre par là. Si je vous dis amen, si je vous dis amen, si je vous dis amen. Si je vous dis amen. Que ce qu'on appelle la conscience supramentale de demain. Ce qu'on appelle la conscience universelle de demain. Elle n'a jamais été vécu sur la Terre encore, même par les initiés du passé. Si je vous disais même que le Christ n'était pas dans la conscience supramentale, le Nazaréen n'était pas dans la conscience supramentale. Si le Nazaréen avait été dans la conscience supramentale, il n'aurait pas été crucifié. Pardon? Puis la grande preuve que le Christ n'était pas dans la conscience supramentale, c'est que le Christ était obligé de dire, quand il était sur la croix, « Mon Père, pourquoi m'as-tu délaissé? » Autrement dit, le Nazaréen était assujetti aux forces cosmiques. Et la différence entre les initiés dans le passé et les initiés de demain, c'est que les initiés de demain ne seront pas assujettis par les forces cosmiques. Les initiés contrôleront, vivront des forces cosmiques sur la Terre. Tandis que dans le passé, les initiés devaient être assujettis par les forces cosmiques pour une expérience quelconque de l'humanité, pour l'évolution de l'humanité. Tu ne parles plus du Christ à ce moment-là. Tu parles de la puissance du supramental sur son corps matériel. Regardez-les bien de près, celle-là. La conscience supramentale peut faire faire à un homme des actes qui vont l'amener à la crucifixion ou à une souffrance quelconque. L'homme est en liaison avec des forces cosmiques. Le Christ est en liaison avec des forces cosmiques. Le Christ était un homme qui appartenait à la cinquième race. Les hommes de demain appartiennent à une autre race. Alors, le rapport entre les forces cosmiques et l'homme change avec la sixième race. Le rapport entre les forces cosmiques et l'homme, aujourd'hui et demain, n'est pas le même rapport qui existait il y a 5000 ans, 10 000 ans, 15 000 ans. Alors, les initiés dans le passé étaient en relation avec les forces cosmiques, mais souffraient des forces cosmiques pour un plan cosmique. Demain, les initiés seront en relation avec les forces cosmiques, mais ne souffriront plus des forces cosmiques parce qu'ils auront contrôlé l'esprit de l'intelligence de ces forces-là. Et c'est ça la destinée de l'homme de la cinquième race. Et il y en a très peu sur la Terre qui en arriveront à vivre ça. Parce que pour en arriver à contrôler l'esprit de l'intelligence de ces forces-là, il faut être dans la fusion de cette énergie-là. Et pour être dans la fusion de cette énergie-là, il faut comprendre les lois de la forme. Et les lois de la forme sont expliquées à l'homme de la sixième race. Elles n'ont pas expliqué à l'homme de la cinquième race ou de la quatrième race. C'est pas parce que le Christ n'était pas dans la conscience supramentale qu'il n'était pas ce qu'il est. Ça n'a pas d'affaire avec ça. C'est que pour que se fasse ce drame sur la Terre, il fallait qu'il soit en fusion et qu'il vive cette expérience-là en dehors de la conscience supramentale. C'est pour ça que j'ai dit à une conférence, si le Christ avait été dans la conscience supramentale, il aurait dit « Wow! » Il n'aurait pas vécu l'expérience. Mais ça, c'est des subtilités de l'intelligence que l'homme connaît d'après sa propre expérience. C'est dans le temps que l'homme connaîtra, comprendra ça. Les initiés de demain ne peuvent plus souffrir de la main de l'inconscience d'humanité. Parce que l'homme de demain doit souffrir de son rapport avec les forces. Pour en arriver éventuellement à établir l'équilibre avec les forces, pour ne plus souffrir des forces. Et non souffrir de la main des hommes. Ça crée une impression aussi, tu viens incarner l'amour. C'est pas ça que je veux dire. S'il a fait, il a fait. C'est des fêtes. C'était fait de même. Il faudrait que ce soit fait de même. Je parle évolutionnairement. Troisième, quatrième, cinquième, sixième race, septième race. Il y a eu une évolution dans le rapport entre l'homme et le cosmos. Le rapport entre l'homme et le cosmos aujourd'hui, le rapport entre l'homme et le cosmos de 2000 ans, c'est pas pareil. Si Christ avait vécu aujourd'hui son expérience, il n'aurait pas vécu son expérience. Il aurait transmuté le rapport entre eux autres et lui, et automatiquement, il serait rentré dans le supramental, et automatiquement, il aurait initié l'homme à l'intelligence au lieu d'initier l'homme à l'amour. En tout cas, je vous dis ça en passant pour vous troubler un petit peu, pour vous amener à penser plus loin. Quand je parle de la densité de l'esprit, je parle de cette capacité à l'esprit de l'homme de ne pas entraver le travail de l'intelligence cosmique dans ses principes inférieurs. C'est ça la densité. Et si l'esprit de l'homme est incapable d'absorber l'énergie vibratoire de l'intelligence cosmique, il ne peut jamais défaire les formes qui ont servi dans le passé et automatiquement, il est lui-même prisonnier de son émotivité et automatiquement, la densité de ses principes ne peut pas se faire. Oubliez pas une chose, que ce que l'homme connaît de par la tradition est connu de l'homme selon le sentiment qu'a l'homme envers ce qu'il connaît. L'homme met du sentiment dans ce qu'il connaît et automatiquement prend ce qu'il connaît et lui donne une forme absolue. Et l'homme ne peut pas faire ça parce que ce que l'homme connaît de la tradition ne convient pas à l'homme d'aujourd'hui. Comme ça ne convient pas aujourd'hui ce qui est dit à l'homme de la sixième race, lorsque ça sera dit à l'homme de la septième. Parce que l'intelligence est sans fin. La connaissance est historique. Mais l'intelligence est sans fin. L'intelligence est en dehors de la forme. Et l'intelligence, au fur et à mesure que l'évolution se fait dans le cosmos, détruira toujours les formes qui l'ont précédé, le cycle où elle décide d'augmenter le taux vibratoire d'une humanité quelconque. C'est pour ça que je dis, l'intelligence est en dehors de la vérité du mensonge. Mais la connaissance s'occupe de la vérité du mensonge. Et l'homme est prisonnier de la connaissance. C'est pour ça que son esprit n'a pas la densité nécessaire pour que se divisent subtilement les essences de ses principes pour qu'il puisse doubler. Alors, il est pogné dans la matière. Il crève. Les forces du mal sont excessivement inférieures aux forces de la lumière. Si vous saviez, vous en seriez bouleversé jusqu'à quel point les forces du mal sont inférieures aux forces de la lumière. Vous en seriez bouleversé. Vous en seriez tellement bouleversé que vous n'en croiriez pas vos oreilles. Et c'est simplement dans le processus qui vous amène à la subtilité de votre esprit. Dans le processus qui vous amène à votre intelligence, qui vous amène à pouvoir greffer l'intelligence cosmique à votre intelligence mentale inférieure, que vous en arrivez à réaliser effectivement que c'est le cas. Les forces du mal n'ont aucun pouvoir sur l'intelligence. Aucun. À aucun niveau. Aucun niveau. Ce que je veux dire, c'est que ça a pris quasiment des millions d'années avant de réaliser ce qu'on lit, puis les forces du mal, dans à peu près 20 ans, exactement. Exactement, parce que les forces de la lumière sont en dehors du temps. En dehors du temps. Tandis que les forces du mal sont directement liées au temps. D'ailleurs, le mal, le temps provient du mal. Il y a une relation directe entre le temps et le mal. Pourquoi que l'enjeu, c'est la matière? L'enjeu n'est pas la matière. L'enjeu, c'est l'esprit de la matière. Grosse différence. Quand tu as accès à l'esprit de la matière, tu as automatiquement un contrôle sur la matière. Oui, c'est pour ça que c'est juste l'homme qui est capable de s'en sortir. Exactement. C'est pas la matière l'enjeu, c'est l'esprit de la matière. Alors, quand l'homme aura accès à l'esprit de la matière, les forces du mal sont des forces très faibles, extrêmement faibles, mais ce sont des forces très puissantes. Pourquoi ça a duré si longtemps? Parce que l'homme était prisonnier de la forme. Parce que l'homme n'était pas dans l'intelligence. Il fallait attendre que l'homme soit suffisamment dans son intelligence inférieure, que le mental inférieur soit développé pour qu'il puisse absorber ces connaissances-là. Tu peux pas arriver dans la jungle et leur parler de ça. Ou arriver durant le temps des Romains pour leur parler de ça. L'homme aujourd'hui est prêt à ça. On le voit d'après notre science, puis ce qu'on fait, qu'on est prêt à avoir d'autres choses, mais on est prêt. Pourquoi ça ne peut pas être dans l'instantanéité? Parce que si c'était fait dans l'instantanéité, vos corps ne pourraient pas le prendre. Parce que les principes de l'homme sont proportionnels, ou la structure de l'homme, de la conscience de l'homme, sont proportionnels à son évolution. Ça fait partie de l'évolution. Il ne s'agit pas de vous rendre fou, il s'agit de vous rendre intelligent. Vivre brutalement de l'intelligence, c'est une souffrance terrible, qui équivaut au martyr physique du Nazaréen. C'est un martyr, mais dans le mental, au lieu d'être dans le corps physique. Mais c'est un martyr. Alors, comme il n'y a pas de perte d'énergie, quand ça s'est fait, à ce moment-là, le canal est ouvert. Ensuite, une fois que le canal est ouvert, mais les gens peuvent apprendre, ils peuvent apprendre, ils peuvent apprendre. Seulement, ils ont leur propre expérience, eux autres aussi. J'insiste que les gens comprennent que c'est essentiel qu'ils en arrivent à être capables de ne pas regarder les défauts des autres. Mais qu'ils ne voient, mais qu'ils ne regardent pas. Il y a une grosse différence. Ça, ça fait partie subtilement de la réorganisation atomique de vos corps. Puis il ne s'agit pas d'être niaiseux non plus. Parce qu'aussitôt qu'on voit les défauts d'une personne et qu'on s'attache aux défauts d'une personne, on s'attache à la mémoire de la forme de ces défauts-là et automatiquement, on se les incorpore. Aussitôt que tu vois quelque chose dans l'œil du voisin qui est négatif, tu deviens un peu de ceci. Avec le temps, il n'y a plus d'émotion là-dedans. Si vous considérez l'inconscience de l'homme comme une lèpre, automatiquement, si vous voyez ou touchez à la lèpre, vous devenez vous-même lépreux. Mais vous vous n'apercevez pas. Fait que la différence entre regarder un homme et voir un homme, c'est une grande différence, puis c'est une différence essentielle dans le développement de la conscience supramondale. Et ce sont ces différences-là qui vont vous permettre de... d'en arriver vous-même au dédoublement. Ce sont ces expériences-là, ce sont ces aspects-là en vous qui vont vous amener à, naturellement au dédoublement. C'est pas parce que vous voulez vous dédoubler que vous allez vous dédoubler. Moi, c'est pas de même. Le dédoublement va venir naturellement, sans effort, au fur et à mesure que vous allez comprendre les principes de l'intelligence cosmique sur la Terre. Qui explique tous les aspects de l'homme, qui explique tous les aspects de la relation entre l'émotion de l'homme et l'intelligence pure de l'homme. La haine cosmique, ce serait la différence entre regarder et voir. La haine cosmique, c'est la capacité de voir et la réalisation que ce que l'on voit doit être détruit. La destruction de la forme. La haine cosmique, c'est la précision d'intelligence. Boum! Sans merci, sans finale. C'est l'action de l'intelligence, la haine cosmique. On réalise pas qu'on est énergie. On pense qu'on est un des corps physiques. On réalise pas qu'on est énergie. On est énergie. À tous les niveaux, on est énergie. Et on est facilement contaminable. Puis on s'en aperçoit même pas qu'on est contaminable. Il y a des gens où les gens, quand ils passent par certaines expériences, ils souffrent, puis ça, ils trouvent ça long, ça va s'arrêter, puis j'en ai plein de cas, blablabla. Je le sais, puis je vous comprends, puis je suis totalement d'accord, mais j'y peux rien. Ils peuvent rien quand tu es conscient, mais si tu es inconscient, ils peuvent t'accrocher. Parce que le mal n'est pas simplement planétaire, il est cosmique. C'est le mal planétaire qui est le plus important pour nous, parce que c'est nous autres qui en sommes les victimes, comme c'est nous autres qui en sommes les producteurs. Mais les lois sont là et les lois doivent être sues de l'homme. Et c'est dans la vibration d'intelligence que ces lois-là sont sues, et ce qui empêche que les lois soient sues de l'homme, c'est son émotivité. Parce que l'émotivité le fait rationaliser. On rationalise tout. On rationalise. Facile de rationaliser, puis rationaliser, puis rationaliser, puis rationaliser. Aussitôt qu'on rationalise, On descend vers la forme, puis on devient éventuellement prisonnier de cette forme-là. On peut rationaliser n'importe quoi. Quand tu es fusionné, tu peux pas rationaliser, mais quand tu n'es pas fusionné, tu peux rationaliser. C'est toi que quand tu es fusionné, tu souffres très. Parce que tu peux pas rationaliser. Comment tu rationaliseras? Ils ont toujours raison, les chiens. Tout le temps. Ça devient purement vibratoire, ta relation avec eux autres. Comment tu souffriras bien gros, tu seras au bout, là, t'es capable d'en prendre, là, ils vont te dire, on le sait, nous autres, comment est-ce que t'en as à prendre encore. On va t'écasser les pieds encore dans deux semaines, puis deux semaines, paf! Tes vibrations ont changé, puis dans deux semaines, ils t'accrochent encore, puis ainsi de suite. Jusqu'à temps que le travail soit fait. Fait que, quand on n'est pas fusionné, c'est facile de rationaliser. C'est pour ça que je vous comprends quand vous rationalisez. Mais le travail, ça fait pareil. Ils disent que l'esprit, notre esprit, est oisif. C'est-à-dire que notre esprit n'est pas 100% éveillé tout le temps. Une partie qui dort, une partie qui joue. Notre esprit n'est pas... Ça, c'est parce qu'on n'est pas 100% intelligent. C'est pour ça qu'on a des distractions et qu'on n'a pas le cas de se concentrer. Quand tu es dans l'intelligence, tu n'as pas besoin de concentrer, tu es tout concentré. Tu peux pas être déconcentré. Comment que tu serais, tu peux pas te déconcentrer. Mais quand on n'est pas encore dans l'intelligence, on n'est pas concentré, puis on est oisif, puis on se fait jouer des tours. Parce que si on n'était pas oisif dans notre esprit, on saisirait les situations tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. T'es un chien! Tu dis ça à quelqu'un, mais... Au lieu de descendre ici, il monte ici. Il te neutralise. S'il descend ici, il vient de se faire prendre. Là, j'ai dit, c'est un chien, c'est impersonnel, un chien. Mais, d'un coup, j'aurais pris une qualité personnelle. T'es un maudit paresseux. Chose. Là, l'ego, il va être paresseux, pas paresseux, tu sais pas. Mais quand t'es dans l'intelligence, tu te fatigues, t'es paresseux, tu montes tout de suite au. Fait que là, il se passe plus rien, ici. Là. L'autre gars, il reste avec ses mots. Tout ça t'affecte pas. Lui, ça le fâche, mais tout ça t'affecte pas. On en arrive de plus en plus à être dans notre... à perdre cette oisiveté de l'intelligence. C'est un manque de réaction dans le mental, parce que le mental est alourdi par l'émotion. Hey, ça fait des années. Des années. Qu'on est alourdi. Des années. Comment se fait-il qu'on est ensemble un an et demi? Il y a eu plus de changements d'un an et demi dans votre vie que vous avez eu, comment vous avez eu 100 ans. Fait que c'est un phénomène d'énergie. Fait qu'imagine-toi quand tu es inconscient, chose que tu n'accumules pas des vibrations, des vibrations, des vibrations, des vibrations. C'est incroyable. C'est pour ça qu'à un certain moment, un homme comme moi, il faut qu'il sorte, parce que ça n'arrête plus cette affaire-là. T'sais, arrête plus, il faut que tu sortes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui continue, puis qui continue. Là, tu sortes et tu fais d'autres choses. Tu as plus de faim. Hey. Comme elle, là, elle commence à avoir du bon sens. Elle commence à se couler un petit peu. T'as tout énervé, ça, avant. T'es énervé, une vraie souris. Elle commence à être calme. Elle commence à être un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Elle se trouve plus correcte, là. Elle commence à trouver qu'elle a du bon sens, qu'elle a du bloc. Ben, elle souffre, oui, c'est souffrant. Elle a du bloc. Mais ça se reflète, parce que ça se reflète dans son mental, ça se reflète dans son comportement, dans son calme, ça se reflète. Là, c'est du monde, là, cette affaire-là. Avant, c'était pas du monde. Mais il faut pas qu'on se décourage. C'est normal de se décourager, on est fatigué, bon. Pas qu'on se décourage. Décourager de quoi? On n'a pas à se décourager, on est bien. Elle, c'est un autre. Thérèse. Elle a goûté en maudit, elle. C'est pas des jeunes, Thérèse, c'est pas un enfant d'école. Fait que les jeunes, ils ont une chance. C'est plus facile, d'ailleurs, c'est pour les jeunes, la sixième race, demain, c'est pour les jeunes. Mais c'est le travail qui se fait. Fait que quand tu regardes un petit peu en arrière, mais tu vois qu'il s'est fait quelque chose, tu t'aperçois que t'as un petit peu plus de bon sens qu'avant. Puis t'es pas sûr, mais après ça t'avance. Éventuellement, t'es un petit peu plus sûr. T'es un petit peu plus sûr. Mais éventuellement, t'es sûr. Éventuellement, t'es rendu comme elle. Elle se questionne plus, eh bien. Les problèmes, c'est des problèmes périphériques. Quand ça va être cette là, elle va être correcte. Mais c'est pas avec elle. Quand tu regardes du monde qui sont bien, puis c'est pas avec eux autres le problème, mais ça commence à avoir du bon sens, l'humanité de même. Comment il y en a quelques-uns? Ça va à peine pareil. Un d'un autre, elle, avec ses émotions avant. Des émotions, des ballons étaient grosses de même, des émotions. Elle avançait parce que ça s'en venait de même, des émotions. Tasse, ça passe tasse. Pas fini, mais tasse. Puis tout le monde, je regarde le monde, les gens changent, les gens changent, les gens changent. C'est pas de la magie, cette affaire-là. C'est l'intelligence. C'est pour ça qu'ils disent qu'on ne peut pas se permettre de se refuser de voir. Si on se refuse de voir, c'est final. On ne peut pas se permettre de refuser de voir. Puis c'est pas facile. Parce qu'il y a toujours le phénomène du doute. Qu'est-ce que c'est ça, cet excogriffe-là? Bernard de Montréal. Je vous comprends. Elle, elle a goûté la petite, là, les lunettes. Je vous comprends. Je ne voudrais même pas être dans votre place. Je ne voudrais même pas me voir et m'entendre parler. La seule raison, vous autres, qui vous a permis de continuer avec moi, c'est parce que j'ai toujours raison. C'est la seule raison, non pas d'autre. Quand vous m'arrivez avec n'importe quelle salade, m'a toujours vous bloqué. C'est ça qui vous amène à avancer un petit peu jusqu'à temps que vous puissiez aller on your own. Si, il n'y a pas d'autre. Comment tu me donneras n'importe quelle salade? M'a toujours vous arrivé avec une contre-salade. Fait que ça vous fasse à chercher pour voir s'il n'y a pas d'autre salade. Puis éventuellement, ben, là, vous arrivez dans votre propre intelligence. C'est pas facile pour le monde. Fait que l'hypocrisie, c'est une expérience extrêmement importante. La réalisation puis la compréhension de ça. Puis ceux parmi vous autres qui en souffrent de l'hypocrisie, non pas par mauvaise intention, mais parce qu'ils ne savent pas contrôler l'émotion de leur intelligence. Ouvrez-vous le miel. Parce que l'hypocrisie provient de l'émotion d'intelligence. Fait que plus vous allez vous démotionnaliser, mais moins vous allez avoir tendance à ce mécanisme-là de l'hypocrisie. Qui n'est pas nécessairement une imperfection de l'esprit, mais qui est une imperfection de la personnalité. On pense qu'on sait. On sait pas. On pense qu'on sait. Puis demain, on est prouvé qu'on savait pas. Puis après-demain, on est prouvé qu'on savait pas jusqu'à temps qu'on puisse plus penser qu'on sait. C'est quand tu peux plus penser que tu sais que tu sais. Mais tant que vous pensez que vous savez, je vous garantis qu'ils vont vous mettre quelque chose sur la table, vous allez réaliser que vous savez pas. Vous pensez que vous savez. C'est maudit de même, l'intelligence. Fait que tant que vous pensez que vous savez quelque chose, faites attention. C'est ça qui vous amène à vous prendre au sérieux et à avoir des conflits entre vous autres parce que vous pensez que vous savez. On sait rien. Mais on canalise de mieux en mieux. À ce moment-là, mais ça marche. L'hypocrisie, c'est une soupape qui permet à l'ego de vivre de lui-même à l'insu d'un autre. C'est encore un phénomène vibratoire, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est comme, pour vous expliquer ça, là, c'est comme si un ego, il y a un petit peu trop de spring. Puis, son spring est tellement fort là, que il peut pas l'appliquer envers une autre personne, son spring, parce que l'autre personne est trop lente. Fait que l'hypocrisie va lui permettre de faire vibrer son spring plus vite. C'est une soupape, l'hypocrisie. C'est pour ça qu'il faut pas regarder les gens qui sont hypocrites. Il faut pas les blâmer, les gens qui sont hypocrites. Il faut simplement les voir, puis voir leur jeu. Mais il faut pas les blâmer, ces gens-là. C'est une soupape. On est énergie. On pense qu'on est des hommes, on n'est pas des hommes. Puis on se fait prendre chaque fois qu'on vit des déformations psychologiques qui proviennent du fait que les mécanismes d'énergie ne sont pas ajustés, ne sont pas harmonisés. On se fait prendre tout le temps dans la forme qui est émotive et mentale en soi. C'est pour ça que les hommes sont divisés sur la Terre. C'est pour ça qu'il y a de la division entre les religions, qu'il y a de la division entre les philosophies, qu'il y a de la division entre les nations, entre les politiques. C'est pour ça. Parce qu'on a tendance à blâmer les gens pour ce qu'ils sont. On peut pas blâmer les gens pour ce qu'ils sont. On peut voir qu'ils sont mal. On peut pas les blâmer on peut pas les blâmer parce que ça fait partie de l'expérience de l'homme. J'ai des amis, eux autres, ces hommes-là, à une intelligence quelconque, à leur intelligence, pour qu'ils en sortent de cette imposition-là, de cette mémoire maudite-là, qui est là. Mais il faut avoir suffisamment d'intelligence objective pour ne pas blâmer l'homme dans ses limitations. Puis ça, ben, ça dépend de chacun de nous autres. Ouais, lui, là, c'est pas un cadeau, ça. Là, il commence à être un cadeau. C'était pas un cadeau au début, cette affaire-là. Commence à être un cadeau. Fait que comment ça se fait qu'aujourd'hui, il commence à être un cadeau, puis avant, c'était pas un cadeau? C'est parce qu'avant, ses corps étaient pas ajustés. Là, ça commence à s'ajuster. Là, ça s'ajuste. Fait que si t'arrives à lui, puis tu le prends comme il était avant, puis c'est pas un cadeau, comment est-ce que tu veux qu'il arrive un jour à être un cadeau? Puis on est tous de même. Fait que quand tu rentres dans l'intelligence, tu deviens très patient, puis très patient, puis très patient, puis très patient. Mais pourquoi c'est patient? Parce que tu vois et tu ne regardes pas. Si tu regardes, tu deviens patient. T'en regardes un, il est tout croche. T'en vois un autre, il est tout croche. Tu regardes le pape, il est tout croche. Tu regardes mon Seigneur, il est tout croche. Tout le monde est croche. Mais c'est évident que tu te décourages. Fait que tu perds de l'énergie. Fait que tu construis pas ton intelligence. Fait que tu peux pas amener la personne à son intelligence. C'est ça de l'évolution. C'est ça de la conscience. C'est ça de l'intelligence. Créative. Moi, je vous parle de mon point de vue. Je vous comprends. Mais je vous fixe dans votre esprit des lois de l'intelligence cosmique. Et ça, ce sont des lois. Et elles sont inaltérables, ces lois-là. Ce sont des lois qui sont parfaites. Ça change pas. Quand même l'homme vivra 15 milliards d'années, ça change pas. Ce sont des lois de la lumière. Ça change pas. Ça prend des formes quelconques au cours de l'évolution de l'homme. Mais à un certain moment, c'est plus des formes que ça prend. C'est purement vibratoire. Il faut que ce soit vécu, il faut que ce soit conscientisé, il faut que ce soit réalisé, il faut que ce soit fasse partie intégrale de notre intelligence. On doit fonctionner au niveau de l'intelligence et non des attitudes de l'intellect ou des attitudes de l'ego. C'est là que l'intelligence travaille sur notre ego, que l'intelligence change la densité de nos corps et ainsi de suite pour nous préparer au dédoublement. Puis quand je dis que l'hypocrisie, c'est une soupape pour l'ego, je dis bien que c'est une soupape. Quand vous serez dans votre intelligence, puis vous pourrez voir et comprendre instantanément des mécanismes dans les personnalités des gens, vous verrez que les gens ne sont pas responsables de ce qu'ils sont. Les gens ne sont pas responsables de ce qu'ils sont. Il y a des conditions de vie qui les ont amenés à ça, à cause de la nécessité de telle expérience, telle expérience, telle expérience. Les hommes ne sont pas responsables de ce qu'ils sont. Mais les gens se rendent responsables de ce qu'ils sont parce que les hommes sont prisonniers de certains principes, ils sont prisonniers de certaines valeurs internes. Les hommes se comparent à d'autres hommes. Lui, c'est un voleur, puis moi, je suis pas un voleur. Lui, il tue, puis il va à la banque, il se fait 5 millions, moi, je travaille comme un chien. Fait qu'il se développe toutes sortes de choses. Les hommes ne sont pas responsables. C'est une maudite illusion que les hommes sont responsables de ce qu'ils sont. Les hommes sont dupes, les hommes sont manipulés. Ça, c'est une autre chose. C'est pour ça que la fonction de l'intelligence sur la Terre, c'est d'expliquer les lois de la manipulation de l'esprit de l'homme pour que l'homme s'en dégage complètement. C'est là la destruction de la forme, pour que l'homme passe de l'astral au mental pur, puis une fois pour toutes, puisse passer à l'éthérique. Les hommes ne sont pas responsables de ce qu'ils sont. Après, c'est pour ça qu'il ne faut pas les blâmer, parce que si on avait passé par l'écran, puis on passait, on aurait peut-être fait pire. Exactement. Exactement. Quand le Nazarien disait « tu peux pas juger un homme », c'est ça que ça voulait dire. Tu peux pas juger un homme. Tu peux voir, mais tu peux pas juger un homme. Fait que l'affaire de l'hypocrisie, c'est une situation que vous allez rencontrer qui va vous casser les pieds, mais ça va faire du travail sur votre corps mental. Parce que c'est une coca, celle-là.